c'est bon pas. Je déconne pas, elle est trop détendue. En plus, elle pense comme moi, mais je veux quand même décamper. Ma baby, c'est trop ma camée. Elle est trop détendue. En plus, elle pense comme moi, mais je veux quand même décamper. Elle dit que les mecs la cahier, sans boire rien, sauf racailler. Tu m'apportes rien d'ailleurs. On a besoin de voir ailleurs. Baby, tu sais, c'est pas facile. Mais bon, cette fois, je laisse passer. Baby, tu sais, c'est pas facile. Faut que tu me dises tout ton passé. Je me lève fâché, mauvaise humeur. Viens voir de plus près nos douleurs. Je peux t'en faire voir toutes les couleurs. Je peux t'en faire voir toutes les couleurs. Tout en haut, on va tout en haut. Je vais arrêter de perdre du temps. Tu nous baratines toute la nuit. Tout en haut, on va tout en haut. Je vais arrêter de perdre du temps. Tu nous baratines toute l'année. Je déconne pas, elle est trop détendue. En plus, elle pense comme moi, mais je veux quand même décamper. Ma baby, c'est trop ma camée. Elle est trop détendue. En plus, elle pense comme moi, mais je veux quand même décamper. C'est trop ma camée. En plus, elle pense comme moi. J'achète tout ce que je veux. La copine sait pas trop ce que je fais. On bord des contrats qui feront percer sa mère. Mon daron sait pas tout ce que je vis. Ça me parle l'argent, du coup j'y vais. Si tu m'apportes rien, je suis. C'est vrai que t'es belle, que t'as tout ce qu'il faut. Mais quand on se voit, je veux pas que tu me filmes. Je déconne pas, elle est trop détendue. En plus, elle pense comme moi. Mais je vais quand même décamper. Ma baby, c'est trop ma cam. Trop ma caméra.